Lettre P du dictionnaire des idées reçues. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Christine. Dictionnaire des idées reçues de Gustave Flaubert. Lettre P. Paganini. N'accordait jamais son violon, célèbre par la longueur de ses doigts. Pain. On ne sait pas toutes les saletés qu'il y a dans le pain. Palladium. Forteresse de l'Antiquité. Palmier. Donne de la couleur locale. Palmyre. Une reine d'Égypte, des ruines, on ne sait pas. Panthéisme. Tonner contre. Absurde. Paradoxe. Se dit toujours sur le boulevard des Italiens entre deux bouffées de cigarettes. Parallèle. On ne doit choisir qu'entre les suivants. César et Pompée, Horace et Virgile, Voltaire et Rousseau, Napoléon et Charlemagne, Goethe et Schiller, Bayard et MacMahon. Paraphe. Plus il est compliqué, plus il est beau. Parents. Toujours désagréable. Cacher ceux qui ne sont pas riches. Paris. La grande prostituée. Paradis des femmes, enfer des chevaux. Parrain. Toujours le père du filleul. Parti. Sont honteuses pour les uns, naturelles pour les autres. Pauvre. S'en occuper tient lieu de toutes les vertus. Paysage de peintre. Toujours des plats d'épinards. Pédantisme. Doit être bafoué, si ce n'est quand il s'applique à des choses légères. Pédérastie. Maladie dont tous les hommes sont affectés à un certain âge. Peinture sur verre. Le secret en est perdu. Pélican. Se perce les flancs pour nourrir ses petits. Emblème du père de famille. Pensée. Pénible. Les choses qui nous y forcent sont généralement délaissées. Pensionnat. Dite boarding school, quand c'est un pensionnat de jeunes filles. Permuter. Le seul verbe conjugué par les militaires. Pérou. Pays où tout est en or. Peur. Donne des ailes. Phaéton. Inventeur des voitures de ce nom. Phénix. Beau nom pour une compagnie d'assurance contre l'incendie. Philippe d'Orléans. Égalité. Tenez contre. Encore une des causes de la Révolution. A commis tous les crimes de cette époque néfaste. Philosophie. Toujours en ricaner. Photographie. Détrônera la peinture. Voire daguerréotype. Piano. Indispensable dans un salon. Pigeon. Ne doit se manger qu'avec des petits pois. Pipe. Pas comme il faut, sauf au bain de mer. Pitié. Toujours sans garder. Place. Toujours en demander une. Planète. Toute découverte par M. Le Verrier. Plante, guérit toujours les parties du corps humain auxquelles elle ressemble. Plique polonaise. Si on coupe les cheveux, ils saignent. Poésie, là. Est tout à fait inutile, passé de mode. Poète, synonyme noble de nigaud, rêveur. Police, a toujours tort. Ponsard, seul poète qui ait eu du bon sens. Popilius, inventeur d'une espèce de cercle. Portefeuille, en avoir un sous le bras donne l'air d'un ministre. Port royal, sujet de conversation très bien porté. Pourpre, mot plus noble que rouge. Pradon, ne pas lui pardonner d'avoir été l'émule de Racine. Pragmatique sanction, on ne sait pas ce que c'est. Pratique, supérieur à la théorie. Préoccupation, est d'autant plus vive qu'étant profondément absorbé, on reste immobile. Prêtre, on devrait les châtrer. Couchent avec leur bonne et en ont des enfants qu'ils appellent leurs neveux. C'est égal, il y en a de bons tout de même. Priapisme, culte de l'Antiquité. Principe, toujours indiscutable. On ne peut en dire ni la nature ni le nombre, n'importe, sont sacrés. Professeur, toujours savant. Progrès, toujours malentendu et trop hâtif. Promenade, toujours faire une promenade après dîner, ça facilite la digestion. Propriétaire, les humains se divisent en deux classes, les propriétaires et les locataires. Propriété, une des bases de la société, plus sacrée que la religion. Providence, que deviendrons-nous sans elle? Prose, plus facile à faire que les vers. Pruneau, tiennent le ventre libre. Publicité, source de fortune. Pucelle, ne s'emploie que pour Jeanne d'Arc et avec d'Orléans. Pudeur, le plus bel ornement de la femme. Ponche, convient à une soirée de garçon. Source de délire, éteindre les lumières quand on l'allume et ça produit des flammes fantastiques. Pyramide, ouvrage inutile. Fin de la lettre P.